Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Hier, on a parlé avec le maire de la Dorée, Yannick Baillargeon. On sait qu'on a annoncé, c'est l'Étoile du Lac qui a annoncé ça au cours des derniers jours, que la piste cyclable entre Saint-Félicien et la Dorée va voir le jour 2 ans après ce qui devait être initialement prévu. En entrevue sur les ondes d'annonceusport.com, le maire de la Dorée, Yannick Doré, a expliqué qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a retardé le projet. Bien, il y a eu beaucoup de choses qu'il a fallu refaire là, au niveau du tracé. Il y avait des demandes au niveau du ministère des Transports qui tardaient à venir, des recommandations. C'est un peu là ce qui a fait la différence. Au départ, dans la première année qu'on avait poussé le projet, on a eu des contraintes au niveau de la CPTAQ. Il y a eu plusieurs imbroglios là, durant le processus. Pour le moment, il n'y a pas de partenariat avec la Véloroute de Bleu, explique Yannick Baillargeon. Ben peut-être dans un avenir plus lointain, là, mais pour l'instant, il n'y en a pas question là, parce qu'on fait pas partie du circuit de la véloroute. Okay. Et on rencontre pas les exigences de la véloroute elle-même. Là. Puis il y avait beaucoup trop de complications en ce moment pour qu'on puisse en faire partie. On dit pas qu'un jour on voudra pas, là, mais pour l'instant, là, c'est pas envisagé. Parlons maintenant de Justin Saint-Pierre. On sait qu'il va arbitrer son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey très, très prochainement, le 27 février à Montréal. Et l'arbitre natif d'Albanel a accepté la présidence d'honneur de la Coupe Dodge qui sera présentée du 15 au 19 avril prochain aux quatre coins de la région. Justin Saint-Pierre, qui est âgé de 47 ans, qui représente très, très bien notre secteur, effectivement. Ici, à Dolbeau-Missassini, les gens pourront voir les matchs de la catégorie Bantam 2A. À Roberval et Saint-Félicien, il y aura des matchs de la catégorie Bantam 3A. Donc, rappelons que ce sera présenté du 15 au 19 avril prochain. Il y a quand même de très, très bonnes retombées économiques qui sont prévues pour la circonstance. Maintenant, du côté du football collégial, on sait que c'est la période de recrutement dans l'année collégiale. Hier, sur les ondes d'annonceusport.com, Nick Malachik, un instructeur des Cougars de Chicoutimi, s'est satisfait quand même de la période de recrutement cette année. Moi, cette année, j'avais pas besoin de recrutement comme mes dernières années. J'ai longtemps eu besoin d'aller chercher une trentaine de joueurs à chaque année parce qu'on perdait des joueurs et des joueurs qui arrêtaient de jouer. Là, cette année, j'ai un gros noyau de vétérans. On a ajouté des joueurs, là, vraiment des joueurs d'impact qui vont avoir qui vont pouvoir nous aider dès la première année. Donc oui, on est content là, de notre recrutement, compte tenu de la situation qu'on a avec nos vétérans. Oui, en fait, c'était la première pratique hivernale. C'est quand même content de ce qu'il a vu. Il manque des joueurs. C'est certain qu'il manquait des joueurs. Il manque toujours des joueurs pendant les pratiques hivernales. Malgré ce qu'on a vu, là, c'était vraiment très, très, très, très, très prometteur pour nous. En plus de ça, avec les acquisitions qu'on a fait en France, puis certains joueurs là, qui vont se greffer à nous, là, des transferts de d'autres équipes qui vont se greffer à nous bientôt. Le portrait va commencer à ressembler. Le gros portrait de l'équipe va seulement être total au mois d'août. Maintenant, parlons de la Ligue du Lac-aux-Fleur. On a fait connaître les honneurs individuels de la dernière semaine. Donc, la première étoile, c'est Alexandre Roy Dubois, qui a marqué 2 buts et récolté 1 passe pour 3 points. Mathieu Simard est la 2e étoile avec une production de 2 buts. Et Vincent Plourde est la 3e étoile avec une production de 1 but, 1 passe. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Nick Malachi, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi. On revient sur le Super Bowl avec Tony Guzzo du site Internet Le Bit NFL. Et Yannick Baillargeon vient nous parler du projet entre La Dorée et Saint-Félicien qui nous parlait de la piste cyclable qui verra le jour en août 2020. Sport local et régional, à danradiosport.com.